va-t-il être mort ? Doit-on détruire ? S'embrouiller en vain, déployer nos airs. Voile du destin, mais si près, mort perdu, noyé sous cette pierre, désespéré, passé au mur. Imperméable dans mes prières, je veux t'aimer d'un amour pur. Liberté, perdu, s'absente, bien sentir à t'admirer. Grande maîtresse de l'attente, qu'il se triste de briller. Qu'un très beau latine, on pourrait bien la perdre. Elle ne tient qu'un fil, chaque jour un peu plus maigre. Voyage au bout du monde, au bout de soi. Entité bienveillante qui fait de vous un roi. Sans une extrême sagesse, on risquerait la paresse. Donc sans aucune faiblesse, il faut tout lui abandonner. Sans une extrême folie, non, elle ne se livre pas entière. Nous trouvons trop impoli, un peu trop involontaire. Et lorsqu'elle n'est pas trop farouche, c'est souvent dans les hautes sphères qu'on lotit de la bouche parce qu'elle nous rend un peu trop fiers. Discrètement, c'est à pas de mouche, elle s'y consacre bien des efforts. Ce qui la craint, les armes siennes, parce qu'elle rend un peu trop fort. Général à vie, je rêve d'être libre. Mais faut-il être mort ou doit-on être rire? Sombrer en pain, déployer nos ailes. Voile du destin, mais si frère. Si l'océan jamais pas en boîte, et l'incendie n'est pas une arme farce. Comme l'ouragan n'est pas plus arrêtable. C'est qu'il s'en fout, indomptable et lire. Rectabon pam, juste lire. Rectabon pam, oui. Sans papier, sans identité, de traverser n'importe quelle contrée à pied sans avoir peur d'être arrêté, même fauché par une balle perdue ou fixé par des yeux inconnus.